les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Que nous voilà devenus des oiseaux. Dans l'écume du ciel du tambour. C'est du ciel et c'est du cerveau. Les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence par les grands poèmes, mais on commence à parler doucement. À se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants. Et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde, on a les yeux de cinérama. Nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas. Et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent pas.